une petite bourde, là, à la fin. J'étais tout énervé comme un puceau à la recherche de sa pucelle. Ça va bien. Et vous? Êtes-vous certain que ce soit et vous, ou n'est pas, et non pas igloo? Ah non, je sais que l'hiver tardera à passer quand on la regarde, l'hiver, à la fenêtre, avec des si et des peut-être. Et des mots, mieux vaut pas y penser. L'homme est parti pour travailler. La femme est seule. L'homme est parti pour travailler. La femme est seule à s'ennuyer. C'est-tu dehors? C'est-tu dedans? La femme attend. L'homme voyage. Il voyage. Il voyage pas. Le Québécois, l'homme québécois, voyage. Il y a une grosse différence, Madame Thibodeau, une grosse différence. Je sais que dans le lexique, depuis des millénaires, des mésanges, tachetés, depuis la mésange tachetée, Madame, que t'as acheté à un prix dérisoire, quoique c'était en peluche, puis la peluche était assez abîmée. Je crois que son mari, l'ivrogne, avait dégouliné quelques réceptions nocturnes sans votre présence. À la senteur, là, ce n'était pas la Elisa, la Lolita Elisa, c'était la Bertha Boulouboy. Hein? Bertha Boulouboy, viens-t'en chez moi, Bertha Boulouboy, je n'ai pas d'argent, Bertha Boulouboy, nous allons nous... Hein? C'est pas moi, Bertha Bellibaf, avez-vous vu Mirza? Non, c'est pas Mirza. Et je me rappelle, je vous l'ai peut-être dit, je dis souvent ça que je me rappelle, parce qu'encore à mon âge avancé, je me rappelle. Dans quelques mois, quelques heures, surtout quelques minutes, je me rappellerai même plus de rien. Ah, où étais-tu? Ah, j'étais pas là! Non, bon, t'es jamais là. T'es présent dans l'absent, comme je le dis depuis longtemps. Là. T'es comme un spasme, un astre, une boule noire. Un satellite espion, puisqu'on te voit, mais on s'imagine pas vraiment que t'es là. Donc, on se demande si t'es pas engagé par des gens malhonnêtes. Il y en a du monde malhonnête. Il y en a. J'ai ma liste. J'ai cherché mon champ au creux de mon Yvon. Perdrerai-je, je le dis souvent, mais je l'aime. Perdrerai-je, parce que je l'aime cette chanson-là. Je t'aime, perdrerai-je mon temps. Il faudrait qu'à un moment donné, là, je diffuse uniquement mes chansons qui me font vibrer, comme une voiture se laisse désemparer par l'essence. Que son conducteur place à l'intérieur de son être. Mécanique, oui, mais un être. Oui, une structure, madame, merci. Heureusement, j'ai des souffleuses paresseuses, parce que très, très rarement, elles me disent la vérité. Elles veulent me dévoiler mon aspect le plus primal auprès d'une population québécoise à la recherche d'intelligence, mais ce n'est pas ici que ça se passe. Ça ne s'est jamais passé entre minuit et deux. Le jeudi à vendredi. Hey! Sérieusement, là. Sérieusement. Non, quand je dis ça, là, c'est, on rit plus. Bon, on peut rire, là. On y va au début, on rit, OK? OK, on rit plus. Après, là, c'est fini. Avez-vous remarqué sur les trottoirs? Non, c'est pas... Avez-vous remarqué sur les trottoirs? Arrête donc, mon Raymond! Avez-vous remarqué sur les trottoirs, il y a des petits-enfants qui s'amusent. Oui, mais il y a aussi un décalage, puisque nous passons, pas à l'heure arrondie, à l'heure reculée, à l'heure carrée, à l'heure octogonale, arénale. Oui, octogonale, oui. Oui, tranquille. Je fais le show. Quoique, depuis que Je me passionne pour les à quatre pattes. Quoique ça me rappelle mes histoires. 3 heures du matin, 3 heures du matin, puis 4 pattes. Mais c'est pas ce 4 pattes-là, c'est le 4 pattes tout le temps. Tout le temps! Tout le monde est à 4 pattes! Tout le monde est à 4 pattes! Okay? On va chanter! Hey, on va inventer la danse du 4 pattes! Pas les voitures, là. Hey, moi, il y a une machine, un véhicule tout berry drain. Oh, moi. Hey, tu t'assis là-dedans, là, tu sens déjà qu'il y a de la suspension, là. Puis tu te demandes, voyons donc, ma fille, es-tu en train de rencontrer son être cher? Puis là, tu regardes en arrière dans la cabine, puis il y a personne. Tu dis, ah non, c'est des fantômes, ça fournit-tu des fantômes, là? Pas au courant de ça, ils m'ont pas dit ça dans Histoire recherchée. Non, c'est quoi donc? La science révélée. C'est de la science, les fantômes, ça, là? T'es peur, hein, sa vie, là? On vit combien de vies de même, là? Moi, je suis rendu, il faudrait quand même qu'on examine mon passé. À savoir, c'est-tu ma première, deuxième, troisième? J'ai-tu vécu d'autres existences avant celle-ci? Selon moi, oui. Bon, je sais qu'il y a des docteurs, des physiciens, des chercheurs, des intellectuels qui se demandent, Reynald. Ne t'excite pas ainsi. Comme une fourmi à la recherche de son pâté. Monsieur, c'est simplement, là, je sais que vous avez fait des longues études. C'était long, hein? C'était long! Non, c'est Stella. Stella, excellent album. Le nouveau album de Stella, c'est Stella. Mais c'était long! C'est juste des jeux de mots, hein? Pour les gens qui n'aiment pas ce genre de trucs-là, là, achetez-vous-le pas parce que vous allez trouver ça long. Je viens de dire long en combien de temps? En 42 secondes? Long. Une autre fois? Long. Michel, le long. Non, c'est... comment? Michel? Pas Michel, c'est... Serge Laprade. Non, le chanteur. Là. C'est le temps de vacances. On va s'amuser. Pierre Lalonde. Ça n'a rien à voir avec... Quoi que c'est long. Pierre Lalonde, c'est long. Il y a une blague qui circule dans le milieu artistique que je ne peux pas vous dire ce soir. Parce qu'au rythme de mes fantaisies, non, je l'ai faite la semaine dernière. Mais, non, je me répète. Quoique, madame, ne me jugez pas. Parce que je ne pourrais pas moi-même vous juger, puisque je ne vous vois pas. Il fait trop noir. Comme disait ma grand-mère, tout le monde la réplique, il fait noir à soir. C'est important, ça, de dire ça. Il fait noir à soir, parce que c'est comme si les autres nuitées n'était pas aussi nocturne, aussi sombre sous un beau drap noirâtre qui amène l'obscurité à volonté. Madame, voulez-vous de la noirceur à volonté? Oh non. En même temps qu'on peut mettre du beurre dans votre maïs soufflé à volonté, on peut mettre de la noirceur dans votre vie à volonté. On peut aider des idées noires. En voulez-vous? J'en ai, moi, là. Mmh. OK. Alors, vous avez quel âge, madame? 27 ans, moi. 27 ans. Vous êtes en forme? Vous vous semblez en forme? Bon. Vous pouvez développer un cancer à 27 ans. C'est... Bon, ben, peut-être un petit problème au cœur aussi, hein? Puis, oh! La volonté... Pardon. Oubliez le mot volonté. Mais peut-être, vous êtes à la recherche de votre maternité. Là, vous allez me demander. Demandez-moi pas comment on fait pour rechercher sa maternité. Moi-même, je l'ai trouvé, puis je suis un gars. Même si les gens qui me hier, je ne la ferai pas encore hier au soir à Saint-Hilon, mais hier, il y a un chercheur de l'Hôtel Dieu. Un médecin aussi. En fait, un intellectuel, vraiment, là, comme le mentionnent les jeunes. Le mentionner les jeunes à mon époque. Hey, c'est un bolé! Un bolé. Hein? Je sais pas, c'est pas à soupe, c'est pas à salade, là, mais c'est un bolé. Un homme intelligent, là, un élite. Et les élites sont quand même assez rares de nos jours, surtout de nos nuits. Et puis, ce gars-là a fait ce qui me plaît le plus. Sa langue, non, ce n'est pas à la cuillerée, c'est fourcheté. Et en achetant ses journaux, ses quotidiens, malheureusement, il se fie beaucoup au quotidien. J'achète du francophone, puis là, il est rendu qu'il abandonne un journal franco, que je ne vous mentionnerai pas, pour glisser ce que je trouve le plus abject, journal anglophone publié au Québec. Et il me dit comme ça, là. Il dit, il me semble que madame... Là, oups! Il s'est repris. Madame, monsieur, en vrai, comme un curé. Madame, monsieur, bienvenue ce soir à votre rencontre hebdomadaire, le chameau solitaire. C'est dans un désert, bien sûr, sans faim et sans eau. Ils ont faim, les petits oiseaux, et les dromadaires sont là pour les examiner mourir tranquillement. Et en ouvrant leur gueule, captent, bien sûr, ces petits... C'est quoi? Ces oisillons, ces volailles, qui, malheureusement, par manque ou par insignifiance, ne se cachent pas pour mourir. Oh non! Qu'est-ce qui... En arrière, il n'y a plus de... Non, il faut... Excusez-moi, parce que vous avez... Si vous ne savez pas ce qui devrait arriver... Bendex et ambidex, ambidex, triplex, solaire... On vous revient après cette pause dans un instant. OK. Est-ce qu'on a ça ici? Ah oui! Je vais vous dire pourquoi je me suis absenté dans mon dialogue radiophonique. Ben, pour le public qui nous regarde sur les vidéos, ben, qui ne sont pas malheureusement à propos, c'est-à-dire bien datés, en daté, dédatés. Mais en tout cas, bref, ils ne sont pas malheureusement dans la chronologie que vous voudriez bien avoir en ce moment précis. J'ai rien compris. En voulant le dire, c'est pas un jour. Non, mais ils sont pas. Il faudrait que je m'y mette. Puis dans le fond, quand je m'y mets dans le fond, ça rentre aussi. Mais je voudrais pas non plus faire ça n'importe comment. Donc laissez-moi du temps. Puis dans quelques semaines, vous aurez une mise à jour de mon site officiel d'errance rénadienne. Mais c'est pour ça là, en arrière, sur l'écran, on voyait plus ma belle rue de la 3e avenue et de la 4e rue. Tout était effacé, puis malheureusement, il y avait quoi? Ben, la marque de mon DVD. Parce que quand il n'y a plus d'image, ça se promène. Donc, j'espère qu'ils vont m'envoyer de l'argent. Hein? Les premiers payeurs, on peut pas le dire. Bon. Alors, on parlait de quoi? Je ne sais pas, je ne sais plus. On va ce port vers Amsterdam. Ben, le port reste là, c'est peut-être le bateau qui part. Hey, là, est-ce que je peux faire une improvisation ou si on va... On a déjà dépassé mon champion, OK. Cela, on va laisser. Puis, il faudrait aussi parler. Et puis, descendre dans deux nez. Les deux mains en l'air. Non, je suis pas coupable. C'est abandonné, c'est décroché et tombé sur l'asphalte. Aïe, oh. Est-il mort? Mais qu'est-ce qui est tombé? On ne sait pas, mais est-il mort? Ben là, on n'a même pas vu ce qu'il n'y a pas eu de nominés. Les nominés sont... Ouvre l'enveloppe. Non, attendez, je ne veux pas, parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui sont très sensibles. On voudrait dire que cette émission ne peut pas être écoutée par je sais pas, des cardiaques, des gens qui ont du cœur, des gens qui ont une âme, des gens qui... Faudrait pas que ça soit écouté par du monde. Fait que, fermez votre radio, c'est terminé. Je peux pas aller plus loin. Oh, on va être obligé de nominer la personne qui est tombée. Je suis pas capable ce soir. Je suis pas capable. Voyons donc, ouais, là, retiens-toi. Mais je me retiens pas. Faut pas se retenir. Alors, on va l'ouvrir, on va chanter, on va... Hey, comme en Afrique. Quand les gens meurent en Afrique, on pleure pas, on crie pas. Hey, il y aura plein de nuit. Non, c'est pas ça. On fête. Il est libéré de ce corps. Laura, non pas Laura, mais il est libéré de ce corps. Mais si c'est pas Laura, qui voudrait se libérer de ce corps? Tous les mourants. Tous les gens qui ont souffert et qui souffrent et qui vont souffrir. Pas compliqué à comprendre, ça, là. Singulièrement, chacun d'entre nous. Puisque ça peut se faire rapidement, mais en même temps, l'agonie, s'ils ont inventé le mot, s'ils ont présenté à l'Office de la langue française le mot agonie, c'est pas parce que le type est revenu d'une soirée à, je sais pas, à quelle place, où il y a des... Madame? Cap-des-Rosiers, tiens, à Cap-des-Rosiers, c'est pas parce qu'il est revenu de là-bas. Il dit, je me suis pas rendu à Cap-des-Rosiers. Et puis, c'est beau. Oui, c'est beau. Je suis placé devant l'eau. Oui. Il y avait de l'eau, hein? Bien, normalement, quand il y a de l'eau, c'est de l'eau. Excusez-moi. Mais cette eau-là, j'ai deux questions à vous poser. Allez-y. Premièrement. Oui, ça commence bien. Oui, mais moi, je suis toujours comme ça, moi. D'une propreté intellectuelle, mais normalement physique, négligée. J'ai négligé de brosser mes dents, j'ai négligé de regarder dehors, mes yeux ne sont pas habitués, j'ai négligé mes cheveux. J'ai négligé mes cheveux, je néglige. Mais j'ai pas négligé de vous dire que par un courriel, là, les gens vont dire, il part. Oui, on part. Ben, c'est comme ça. Calmez-vous. Tranquillisez-vous. Prenez une tisane. C'est bon, les tisanes. Tijane, elle me belle. Ah oui, bien. Elle, c'est quoi la camomille? Non, mais il ne faut pas prendre la camomille. Les gens vont s'endormir. De la vanille. Bon, prenez de la vanille. Pas du vanille, monsieur, de la vanille. C'est un bûcheron. La vanille. Mais non. De la vanille. Alors, oui, c'est ça. Je disais depuis, quoi, 52 ans, moins 3 jours. Donc, ça fait 59 et 11 plus 1, que je mentionnais atmosphère au masculin. Je trouve ça beau, moi, atmosphère au masculin, mais j'ai un auditeur extrêmement frileux et je les adore de même. Il y a des châles, il y a aussi des couvre-lits chauffants. Et moi, j'en ai 6 sur moi à un moment donné, là, dans les moments les plus frileux, lorsque je sens que je trépasse. Je parle souvent de la mort, mais j'en rajoute. Ça me ramène à la vie. Je rajoute. Je mets des couches. Alors donc, monsieur, merci. J'ai adoré votre courriel. Je l'ai lu avec beaucoup de rigolade. Hein? Rigolade. Ah oui, ça a coupé parce qu'il y a le micro... Elle est tombée, je l'ai retenue avec ma langue. Mais ça, faites pas ça à la maison, faut être professionnel. Là. Et donc, atmosphère, c'est vrai, c'est féminin. J'ai appelé Robert, qui fait plus de radio. Mais Robert, peux-tu m'aider? Il dit, mon insignifiant, je peux faire n'importe quoi pour toi. Il dit, oh, merci Robert, c'est moi le dépanneur nocturne. Oh, je te... Oui, il n'y a pas de boulot pour toi. Mais je sais, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de répondeur. Mais atmosphère, là, ça serait masculin ou féminin? Là, il dit, voyons donc, toi, là. T'es un gars, entre guillemets, assez cultivé, mais cultivé dans quel sens? Je sais pas, là. Là où je t'ai rangé de patates, puis de carottes, puis de navets, là. Puis lance-toi. Lance-toi, bedaine rêveuse dans la langue française, comme un échevin plonge dans son eau bénite le dimanche soir après la messe. Hey, là, je sors de là, là, j'avais pas pris juste de l'eau de messe. Là, j'avais, non, j'avais pas pris de la messe non plus. J'avais juste pris un coup sur la gueule à propos de mon meilleur animateur de radio que j'adore, que j'entends plus et qui me manque éperdument et que j'aimerais rencontrer à un moment donné pour parler avec lui, pour discuter de sa carrière et pour savoir ce qu'il advint de lui. Oh, attention, on t'a lancé un verbe! Oui, je sais. Brel disait, je préfère parler... Non, attends un peu. Je préfère me tromper que de me taire. C'est pas Voltaire, ça, c'est Jacques Brel. Je préfère me tromper... Je préfère me tromper que de me taire. Et ça, c'est tout, c'est 100, 500% Rénal Gagné, ça. Alors, atmosphère, monsieur, merci. J'ai pris ça en note et ça m'a fait rigoler. Vous êtes... Puis, c'est un cégep que j'admire parce que j'ai fait des expos sciences il y a quelques années. J'ai arrêté lorsque j'étais le seul à proposer des fusées miniatures et que tout le monde était au VIC-20, l'ordinateur Commodore VIC-20. Ça n'existe plus, je pense, au Commodore. Et puis, il y a Mador, oui, de quelle famille, mais lui aussi, il n'existe plus. Mais moi, c'était le VIC-20, pas le 64. 3K de mémoire avec la dataset. Pour les enfants, la dataset. Hey, on a dépassé le temps, Simonac. Le dataset, c'est une cassette qu'on rentrait dans le magnéto pour aller chercher des données. Puis si ça se trouvait à 28 minutes, il fallait attendre 28 minutes avant de voir le truc. Alors, monsieur, merci. Et puis, nous allons reprendre, vous allez voir. Nous tenterons de modifier ce soir atmosphère pour un univers enchanteur. Parce que j'aime pas une atmosphère. Non, je suis incapable de le dire. Excusez-moi. Alors, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Ça, il faut, oui. Si vous avez une brassée de linge, là, brassez-le. Brassez-le, le linge. Le linge ne demande qu'à se faire brasser, comme votre animateur, Rénal Gagné. Aujourd'hui, il s'en est rendu compte, c'est bon, ça. Il y a une conscience dans les consciences. Je ne veux pas me répéter, mais moi, j'ai l'inconscient pas mal conscient. C'est ça qui me dérange depuis au moins 20 ans. Aujourd'hui, le vendredi 27 février 2015, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. Oublions les embarras familiaux. Hein? Oui, parce que j'ai relu, puis après ça, je me suis enfargé. Je suis tombé par terre, étalé sur mon grêlon. Mon grêlon de Pise, là, c'est pire que la tour, ça. Ah, mon Dieu. Et puis, pour nous envelopper dans quoi? Dans la boîte, Madame Thibodeau, dans la boîte! Oui! Tourne la feuille, tourne la page dans un univers enchanteur. Oh, OK. Alors, on va le mettre dans la circonde. Et pour nous envelopper dans une atmosphère d'enchanteur... ça va être dur, ça, hein? Et pour nous envelopper dans une atmosphère enchanteur... Unissons-nous autour du... Ah oui, là, les gens vont dire oui. Mais là, tu dis pas pour nous envelopper dans une atmosphère narratif. Non, c'est une atmosphère. Donc, et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, voilà. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la délicieuse humoriste Anne-Sophie Bajon. Alors, nous allons passer, puisque nous l'avons expliqué la semaine dernière, en juillet 2014, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette femme exceptionnelle. La preuve... suis un programme vraiment extra. Mieux que du beurre sur la tartine. Les plus grandes stars sur la platine. On se défoule, on affronte la foule. On se regarde, on reste cool. Une bombe comme ça, on s'en souviendra. Coup de projecteur sur les fesses. Et les lasers à fond la caisse. Sono branché sur les bananiers. La bombe ne fait que commencer. Avec les parents qui rappliquent. Et mon petit frère qui fait son cirque. Ça va bouger dans les blue jeans. Rien que des stars sur la platine. Air, food and fire, c'est réglé. Je vais sortir vite fait de ma cabine. Même si je dois laisser mes stars sur la platine. Je me clave vraiment, je te jure, il me saoule. Il commence à me donner les boules. Je vais tirer à la courte paille. Je te parie un banana dry. Que dans ce date il va faire très très chaud. Et que je vais le faire bronzé beau. C'est pas l'alcool qui fait les héros. Si ce n'est pas mon Isabelle, je crois que je vais lui mettre une belle. Plus de stars sur la platine. Fini l'ambiance, je lui colle une danse. Si je me déchaîne, bonjour M. Pour lui ça va aller très mal. Et ce sera une surprise qu'en partie. S'il se retrouve à l'hôpital avant que la boule soit finie. Comme sur France Inter ou... Oui, j'ai travaillé dans une radio qui s'appelle Le Move. Oui, ben oui. Ben voilà. Oui. Ben, qui est une ben, branche de France... pas de France, France Info... France... télé... France... mince. France, pas France Culture, bah, mais... Radio France. Ouais, voilà. Merde, excuse-moi, voilà. Pardon. Non, ouais, c'est, je faisais une chronique d'actualité tous les deux, trois fois par semaine, c'était dur. Hein. Combien de temps? 3-4 minutes? Oui. Ok. Exactement. Et c'était quoi? C'était sur les. Sur l'actualité. Ok. Est-ce que tu as remis ça? Est-ce que tu as remis ça à ton spectacle ou au contraire? Non, non, non. Ok. Non, j'ai vu que. En fait, bon, déjà, j'étais très mal payée, donc c'est très dur de. Je peux pas payer mes auteurs. Enfin, c'était très dur psychologiquement. Ok. C'était enregistré ou en direct? C'était en direct. Ouais. Sans direct. Donc c'est pas évident. C'est un vrai exercice, franchement. C'est une école aussi. Et c'est des trucs que. Enfin, ça demande une exigence d'écriture, d'être drôle, ouais. Trois fois par semaine en chronique d'actualité. Avec public? Non. OK. Donc, c'est qui? C'est l'invité qui va entendre ce que tu dis? Même pas, il n'y avait pas d'invité, il y avait l'animateur et moi. Alors, l'invité, OK, tu demandes à l'animateur de rire un peu. Bah ouais, il riait. Ouais, okay. Ouais, il m'aidait quand même. OK. Il m'aidait. Est-ce que c'était voulu ou c'était pour... C'était voulu, oui et non. C'est-à-dire que lui, il jouait le jeu. OK. C'est normal, quoi. Enfin, okay. Je trouve que c'est son boulot. Ouais. Après, lui, il était super sympa. La boîte de prod a été hyper gentille avec moi. C'était super, hein, non, vraiment, j'avais mais beaucoup appris. Pas mais c'était... Ouais, puis c'était C'était 3 minutes dur, aussi, quoi. Là.

Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Rock-a-bye your baby with a Dixie melody. When you croon a tune from the heart of Dixie, just hang my cradle, mammy mine, right on that Mason-Dixon line, and swing it from Virginia to Tennessee with all the love that's in you. Weep no more, my lady. Sing all black joy, just as you had me on your knee. A million baby kisses I'll deliver if you were only play that Swanee River rockabye. Your rockabye baby with a Dixie. Stay all night. I don't ever want to go home. I never would. That you dare to dream really do come true. Someday I will. wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in D.I.X. I even know my mammy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I get to that Swanee. shore. Swanee, Swanee, I am coming back to Swanee. Mammy, Mammy, I love the old folks at home. I love you, Swanee. I love the old folks, I love the young folks. Oh, my honey lamb, you love them all in Alabama. Mammy, Mammy, my dear old Mammy, your wonder child will wonder no more. When I get to that Swanee. Chicago. right? Oh, we don't have an arrangement of Liza. I have Liza here, but we haven't got an arrangement. What about? Like, oh. We only have two things left. Oh my. What about I haven't got that. I've got Chicago. And I've got After You've Gone. Now they'll shuffle their music like a poker game. Oh, my goodness. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you feel blue, you feel sad. You'll miss the bestest pal you ever had. There'll come a time, now don't forget it. There'll come a time when you'll regret it. Oh, baby, think what you're doing. My love for you is gonna drive me to ruin. After you've gone, after you've gone, oh, well. Time. lot more. Aren't you tired? All right. Well, we got only got one more. We only got one. We'll do Chicago. Chicago. I got the surprise of my life. I had to stop and stare. I saw a man dancing with his own wife. And you will never guess where. Chicago, Chicago, that toddling town, the toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago. Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On a State Street, that great street, I just want to stay, I just want to stay. They do things they don't do on Broadway. Say, they had the time of their life. I saw a man who danced with his wife in Chicago. Chicago. Chicago. Chicago. Free and easy town, brassy, breezy town, Chicago. Chicago, let me cool my heels right down at Marshall Fields. Come and walk with me along the lake to the Drake, holler and hoop all through the loop. Shout hound now to Mrs. O'Leary's cow. No, she loves. On shish kebab and breast of squab, we will feast and get free. Don't tell me sin is rampant and rife. Think of that man who danced with his wife in Chicago. Things like

Patrick Ridremont, qui est très connu là-bas, qui est l'ancien mari de Virginie Efira. Je sais pas si tu connais. Non. Qui est connu en France. Okay. Une comédienne blonde. Virginie qui ? Efira. Non, mais elle est peut-être pas connue. Non, j'irai voir, voir parce que j'adore le cinéma. Errance Rinaldienne sur CKRL-NF, le 89 Hall à Québec, avec Rénald Gagné. Somebody's name, so it'll happen when you take place.

gold stripe. Kind of shit you hang on to in life, like good advice. And my vice is in my music and through it I vent. My anger and fear and the love for the shit I represent. I'm a self-employed and certifiable freak with the money to hit the studio and stay the whole week. I'm sick and can't no prescribe medication correct. And so fuck it, I accept it. I'm demented, it's insane. But I know instead of flowers growing, I continue to smoke every last one that's cut and rolled. I'm too old for this shit, but man, I'm just a pup. Fresh out my daddy nuts, now that's what's up. On point like pencils, sharpen my skills and my mental, so I can dominate the instrumental. I'm monumental, iconic and statuesque. Well, other silly bitches, silly buddy at best. Come on. I'm gliding, I'm wilding, riding, floating, coasting. I'm about to get you. Get 'em and get 'em. I'm about to get 'em. Yeah, I've been preoccupied with depositing checks. Money over bitches and first before fame. Rules number one and two of the game you play. In a circle, land divide. Depending on where you're standing, you can ride or die. If you die, you're probably better off than going against the offense and being buried alive in a coffin. We do unusual things to enemies who continue to just beef instead of letting things be. Dog, my whole catalog is dusty like antiques. We still move a G a week, whether or not you like me. I'm gliding, I'm wildin', riding, floating, coasting. I'm about to get you. Get 'em and get 'em. I'm about to get 'em. We live every day, that makes up the way. So many dying to get paid, which is reason so many quick to hate on the shit. Greedy, they want the pie, nobody having a piece of it. Others are quick to pop off at the jaws with little to no cause, except for menopause. If you're envious, run with it. I got something you want, then come get it. I promise it won't be easy to take whatever it is you want that I possess. My money, my game, my fame, my whips, my necklace, my ass kiss to corporate business. Hoping somebody will spin this and add me to their playlist. I'm sick, bitch, you don't want your kids here. Me, if I'm the role model, what would they grow up to be? I'm gliding, I'm wilding, riding, floating, coasting. I'm about to get you. Get 'em and get 'em. I'm about to get 'em. Est-ce que Philippe t'amène encore de l'eau au moulin? Est-ce qu'il te propose des trucs sur son site internet d'humour? Oui, ils sont vachement actifs. Okay. Mais c'est ça qui est quand même vachement bien avec Lio Humour. C'est qu'ils sont très actifs sur Twitter, sur Facebook. Oui. Sur, et du coup, ils sont très souvent en train de faire de la pub pour un tel, pour un tel, pour un tel, pour toi. Et ça tourne beaucoup, quoi. Et je sais qu'en tout cas, il y a des organisateurs, de festivals et de... qui vont voir les vidéos avant de... Et c'est des images très professionnelles. C'est ça qui est agréable. C'est-à-dire que ça fait très sérieux. Ah oui, c'est ça. Ça fait pas amateur. Oui, oui, oui. Et donc, éventuellement, tu vas revenir au Québec pour... Ah ouais, j'adorerais. Ouais, non, vraiment. Pour faire une mini-tournée un peu ouais. Montréal-Québec, Trois-Rivières. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a attiré le plus quand tu es arrivé à Montréal? La gentillesse des gens et l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que je les trouve plus posés, mais peut-être aussi parce que c'est un pays qui n'est pas en crise, c'est aussi peut-être plus facile. Hein. Okay. Nous, on est quand même. Partout, moi. Ouais, tu crois? Ah ouais, l'année dernière, moi, ils m'ont dit on n'est pas en crise par rapport à vous. Ah, peut-être, attends. Je ne pas parler aux bonnes personnes. Non, mais qu'est-ce qu'une crise aussi, là? Putain, elle est hardcore, nous, là. Hein. Pour trouver un boulot, je veux dire qu'il faut se lever tôt, alors que là-bas, moi, on m'a dit on se trouve un boulot facilement, même de serveur, de. Ah oui, serveur, oui. Ah, mais nous, ici, okay. Même un boulot de serveur, c'est dur. OK. Tu vois la différence? Caissier, c'est assez facile. Je crois que les emplois précaires ont toujours une place prépondérante, mais c'est pas tout le monde qui veut. C'est pour ça qu'on ouvre les portes aux étrangers pour occuper ces emplois-là que personne ne veut. Ah ouais? Ah oui. Ouais. En même temps, C'est la planète appartient à tout le monde. Hein. Oui. Si les gens veulent travailler, qu'ils souhaitent. Ah bah voilà, non mais moi je suis complètement d'accord. Hein, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Mm. Mm. Et donc, toi éventuellement, tu prépares ton émission éventuelle. Oui. Et puis ton One Man Show qui tourne encore et qui va reprendre. Oui, oui. Et tu es encore en période d'écriture. Oui, oui, oui. Tout donc, à fait. Ça roule passablement pour toi. Oui, oui, oui, non, je suis contente. Je suis surtout contente de l'évolution de l'écriture. Oui. Ouais, voilà. Oui. Ben, ça y est, je commence à être contente de chaque sketch. C'est pas évident. Non, c'est vrai. Mais il y a eu beaucoup de travail aussi pour en arriver à ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout quand on n'est pas auteur soi-même, c'est... Puis pour que ça ait l'air naturel, il faut beaucoup de boulot. Ouais. C'est ça. Comme une chanson pour bien la représenter. C'est ça. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Et, et on se remet au boulot, puis on revoit tout ça. Mais écoute, on va se voir à Québec. Mais avec plaisir, oui. Mais je te contacterai si jamais je vais jouer là-bas. Hein. Oui. Puis surtout que moi, je vais me présenter avec mon micro, puis on va savoir davantage sur toi. Ah, mais super, avec plaisir. Mais super. Ouais. Merci d'être passé à mon émission. Merci, avec grand plaisir. Vraiment, je reviens quand tu veux. À la revoyure. À la revoyure. Tourlou. Bye. Ciao. Merci. De rien, avec plaisir. Ah, c'est bien. Ben, c'est vrai? Mais ce qui m'a dérangé un peu, c'est que tu arrives beaucoup de... Quoi, 3h30 avant? Je dis, voyons, ça m'a un peu... C'est vrai, oui? Ben oui. Ah non, mais j'avais un rendez-vous. OK, je ne savais pas, je l'ai comme ça, je ne change pas, j'ai pas besoin de consommer 50 000 trucs. OK, ouais, ouais, ouais. Et j'ai pas besoin de reprendre le métro. Parce que là, toi, j'ai fait des trucs pratiques. Oh oui, c'est ça. Si, là, je suis obligée de partir, là. Oh oui, mais... Dire, tu restes pas ici dans le coin, c'est pour ça que tu restes loin. Ah bah oui, là, j'habite pas du tout là. OK, tu prends le métro. Ouais. OK. Mais là, je vais rejoindre un ami. Si tu veux venir avec nous, on va regarder le match au Saint-Jean là-bas. Je suis pas très, très sport. Ah, arrête. Désolé. Mais c'était pas hier le match? Mais non, mais hier, oui, mais là, c'est pas la France qui joue, c'est un autre match. Ah, mais il n'y a aucun intérêt. Mais la France n'est pas là, il n'y a aucun intérêt. Je vais régler tout ça, il n'y a pas de problème. Ah non, mais arrête. Oui, puis bonne route. Ah bon? Puis, c'est gentil, merci beaucoup. C'est pas 2000 piastres, quand même. Hein? On va rester raisonnable. Merci beaucoup, en tout cas. À la voyure. Mais oui. Bateau ivre, comme un vent d'octobre, un danseur de cordes, et qui ne sait pas s'il va tomber de son fil. Vivre, ouais, c'est bon de vivre, chaque instant du monde, chaque jour qui gronde. C'est comme un spectacle, c'est comme un miracle qu'on a fait pour moi. Ma fille fleur, ma fille cœur, fille cadeau qui m'est tombée avec la pluie. Princesse engloutie de supermarket, je te croque comme une orange rouge. Viens, tu seras bien avec moi, viens, tu seras bien contre moi, viens. On va vivre. C'est bon de vivre sans savoir la cause de la moindre chose, ni pourquoi tu m'aimes, ni pourquoi je t'aime, et encore moins pourquoi je te hais quelquefois. Vivre, que c'est bon de entrez, messieurs, dames, on fait la parade. Il y a un programme extraordinaire. Entrez avec moi. Oh.